Je termine maintenant avec Philippe Lavoie à la Saint-Jean-d'Arc. Michel Tifot a réussi à parler avec le joueur qui va s'aligner avec les Carabins de Montréal dans son émission de mardi sur les ondes de CKG. Et Philippe Lavoie, évidemment, qui était très, très heureux de son entente avec les Carabins. Et il explique le dîner qu'il a eu avec ses parents en compagnie de Danny Mathieu-Chol, qui est l'instructeur des Carabins. Ah, mais c'est ça. Dans le fond, une semaine avant, moi, j'étais en contact avec Byron Archambault. C'était mon coach de linebacker. Puis, ben, il m'a dit qu'il voulait descendre, venir nous voir, là. Puis, il m'a proposé qu'on soupe chez nous, puis qu'on fasse comme une petite rencontre, puis qu'il nous explique un peu c'est quoi le recrutement, puis tout ça, puis comment ça se passe là-bas. Puis là, ouais, c'est ça. Fait qu'il est descendu chez nous. Dans le fond, il nous a fait la rencontre. C'était vraiment nice. On a parlé pendant toute l'heure du souper. Puis la voix explique dans un deuxième temps que pourquoi il a choisi les Carabins. En partie, c'est parce que moi, il y a plusieurs joueurs que j'ai joués à Team Canada qui sont allés qui s'en vont à Montréal présentement. Okay. Puis, c'est comme, par exemple, il y a Pierre Chabot. Ben, c'est plus des gars de Montréal, là, mais je les connais. Tu les connais. Okay. Je me dis que ça va être le fun là-bas. Que je vais me faire des amis, puis ça va être bien pour ça. Là. Philippe! Puis aussi, ben. Oui. Ouais, aussi, c'est pour les installations, là. Oui, c'est sûr. Philippe, parle-nous de la saison parfaite. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Il y a plusieurs intervenants dans le monde du sport. On a parlé d'abord avec Marc Simard qui va jouer samedi alors que le multiconcentre va recevoir la visite du MGR Express de Jonquière. Michel Tifot a parlé avec Philippe Lavoie. Vous pouvez écouter l'entrevue intégrale dans la section entrevue de DanRadioSport.com. Également, on a parlé avec Samuel Boisvert qui remplaçait Marc Fortier. On a parlé du Canadien de Montréal. Le sport local et régional à DanRadioSport.com à son équipe.